Cut because my connection. caméra. Salut Guy. Moi j'ai pas de caméra sur mon... Le soleil gît sur le lac, la Vous êtes compliqués. Listen to me. Listen to the. Do you know this song? Là, you don't know, oui, oui, oui, vas-y, oui, oui, non, non, non, non, oui, vas-y, oui, oui, avec ton grand. Bon, allez, j'arrête. It's a joke. Allez, sérieux, je vais vous faire une chanson avec vous, je vais vous écouter. La, putain, j'ai cassé l'ambiance.